ici-bas, les lèvres effleurent, sans rien laisser de leur velours. Je rêve aux baisers qui demeurent toujours. Ici-bas, tous les hommes pleurent, leurs amitiés ou leurs amours.